saches-tu, tu as été parfaite. Quelle est la clé de tous ces mystères qui est ton grand mentor? Meg, quand ta mère m'a emmenée vivre ici, je descendais souvent seule dans cette pièce. J'allumais une bougie pour mon père. Une voix résonnait, de là-haut. Et dans mes rêves, il était toujours là. Tu vois, avant que mon père ne meure, il m'a dit que je serais protégée par un ange. Un ange de musique. Christine, tu veux dire... Tu crois que c'est l'esprit de ton père qui t'enseigne le chant? Qui d'autre, Meg? Qui? Papa m'a parlé d'un ange. J'étais petite, mais depuis... Là, quand je chante ou que j'aille... Il est là, c'est lui, lui qui partout m'appelle, me parle, seul dans le noir caché. Quoi que je fasse, il est avec moi, énigmatique génie. Ce n'est qu'un besoin de dormir. Que tu dis paraît fou. Qui est cet homme qui se terre, mais qui est partout? Ange de musique, mon guide, mon garde, accordez-moi la qui gloire. Est cet ange de musique, c'est de l'ombre, je vous attends, cher ange. Ça y est, Meg, il est là. Tes mains sont froides. Je le sens, Meg. Mon Dieu, que tu es pas. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Non! Oh. Non! Tu as vraiment bien chanté. Il est content de toi. Ah, vicomte! Vicomte! Vraiment, quelle découverte, cette Christine Daillé! Peut-être la rencontrerez-vous, cher vicomte. Messieurs, si cela ne vous ennuie pas, voilà bien une visite pour laquelle je n'ai besoin d'aucune compagnie. Merci. Je crois qu'ils se connaissent déjà. Oui,